Allons, partons ensemble, là où aucun être humain n'a jamais été. Oh non, faut être vraiment malade pour continuer d'imposer ça aux gosses. Où étiez-vous la nuit dernière? Chez moi, j'ai regardé la télé. Toute la nuit? Oui, toute la nuit. Mon Dieu, quelle mère indigne je fais! J'en ai marre de me faire manipuler! T'as vraiment rien de mieux à faire que de venir ici branler cette foutue machine. Il y a des fois où je fais pas la différence entre la merde et le cirage. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Home Alone, le rendez-vous bimensuel des Kevin McAllister, de la cinéphilie des enfants qui ont raté l'avion en partance pour la salle de cinéma, de la génération qui a fait rentrer binge-watching, etc., etc. Vous la connaissez maintenant. De tous ceux pour qui Weekend rime avec Netflix and Chill, le rendez-vous du cinéma à la maison. Voilà, on va peut-être raccourcir pour les prochaines fois, hein, n'est-ce pas Jean? Ouais, on peut, ouais. Ouais, les gens connaissent maintenant. C'est ça. Donc bah déjà, bonsoir Jean, bonsoir. Bah, bonsoir Clément. Est-il encore utile de se présenter à nos auditeurs? Moi, bah, je pense qu'on s'est présenté assez de fois, non? Je pense aussi. Un Lillois, un Lyonnais, voilà, c'est simple. Voilà, c'est ça. Jean habite à Lyon, moi j'habite à Lille, moi je m'appelle Clément. Et ce soir, vous nous retrouvez pour, notamment, ce par quoi on va commencer, les chroniques de l'Interlace. Alors, je tenais simplement à nous excuser auprès de vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, la qualité de ce que vous entendez est assez médiocre, pour ne pas dire pourrie. Notre manque de compétences techniques, hein, il faut bien l'avouer. On a un bon matériel, mais on ne sait pas bien l'utiliser. Donc aujourd'hui, c'est un peu moisi, mais promis, la prochaine fois, ce sera mieux. Et donc, est-ce qu'on a quelque chose à dire avant, Jean, d'attaquer ce nouveau numéro des Chroniques de l'Interlace? Que dire? Ben, je ne sais pas. Si nous n'avons rien à dire, lançons le générique. Ben ouais, le 19 mai, les bars ouvrent, voilà. Malheureusement, les gens auront déjà vécu le 19 mai quand ils écouteront cet épisode. C'est vrai. Donc bon. Continuez à écouter des podcasts, quoi. Oui, par contre, alors, puisqu'on parle du 19 mai, parlons du 30 juin, date à laquelle les discothèques n'auront toujours pas rouvert, voilà. Ah ouais, ça c'est la bonne, oui. La bonne mauvaise nouvelle du jour. Jetez un petit coup d'œil au calendrier du déconfinement, vous verrez que les discothèques ne rouvriront, trois petits points, jamais. Voilà, bon allez, on arrête de parler de la vie et on parle du cinéma, parce que voilà, comme disait François Truffaut, il y en a qui préfèrent l'un à l'autre. Et donc, J'espère quand même que les discothèques rouvriront. Et surtout que Mektoub, Canto Intermezzo sortira également, qui est filmé intégralement dans une discothèque. Donc, oui, mais malheureusement, Jean, je crois que ce film ne sortira peut-être malheureusement jamais. Voilà, c'est pour ça qu'on espère que vous allez parler de ce podcast autour de vous pour qu'on ait suffisamment d'auditeurs pour pouvoir se faire accréditer à Cannes. Pour que la prochaine fois qu'un truc comme ça arrive, on y soit et on voit le film et qu'on puisse vous en parler au moins. Donc voilà, partagez sur les réseaux sociaux, c'est la garantie qu'on aille à Cannes et c'est la garantie qu'on puisse vous parler de films que vous ne verrez jamais, comme Mektoub My Love Intermezzo. Ouais, voilà. Comme un certain film de Vincent Gallo que une poignée de chanceux ont pu voir, mais que Vincent Gallo ne sortira jamais, il n'a pas envie c'est de le sortir. C'est quoi déjà le titre? C'est Promises Written on the Water, je crois. On Water. Et apparemment, je savais pas, mais apparemment, Vincent Gallo a dit qu'il avait plusieurs films qu'il avait fait qui n'étaient jamais sortis même. Et en fait, il a dit « je veux jamais montrer ces films tant que je suis pas mort ». Donc quand il sera mort, potentiellement, il y aura une enchère pour avoir ces films et les voir. Enfin, on verra. Ben oui. Avec de la chance. Est-ce qu'il continue à vendre des t-shirts tachés de sa semence? Tu sais ça ou pas? Ça, j'en sais rien, je connaissais pas cette histoire. Moi, je connaissais une histoire plus improbable, c'est qu'il avait carrément vendu sa semence à une époque à $1 million, je crois, pour potentiellement avoir un gamin de Vincent Gallo. Quoi. Pour un cinéaste indépendant, $1 million, c'est pas mal. C'est du crowdfunding, mais version Vincent Gallo. Quoi. Bah oui. Mais il faut dire qu'aux États-Unis, sur la question des mères porteuses et des donneurs, ils sont quand même beaucoup plus larges. Enfin, bon. Non, parce que moi, là, cette discussion, ce petit bout de discussion, avant qu'on attaque le cœur des choses, ça me fait quand même repenser à un autre film qu'on verra jamais, qui était passé dans quelques festivals dans le monde, qui était une adaptation par Paul Schrader, je crois, de Glamourama de Bret Easton Ellis. Et alors ça, si quelqu'un nous entend, et si quelqu'un a une version quelque part de ce film qui du coup s'appelle, je crois, Glitterati, et qui était passé, si je ne m'abuse, soit à Berlin, soit à Venise, enfin en tout cas, qui est passé dans le monde un jour, voilà, enfin, Jean et moi, on est très friands de films qu'on n'arrive pas à voir. Donc si jamais vous les avez, bah faites-nous signe. Voilà. Ouais, si Franck Beauvais, tu nous écoutes, peut-être là-dessus. Bah, étant donné que vous parlez sur La Loupe, je pense qu'il y a moyen qu'ils nous écoutent. Bon, on parlera de La Loupe dans un prochain épisode. Un prochain épisode de quoi ? Des chroniques de l'Interlace. Allez, générique, on attaque. Papa, tu as un courrier électronique ! Oh putain, ça vieux, c'est le Darknet ! Plus personne ne quitte la maison de nos jours. On n'a plus de relations sexuelles. L'Internet, le condom le plus fiable. C'est stupéfiant. Ouais, c'est vraiment génial, hein. Qu'est-ce que c'est que la Matrice ? La Matrice est la simulation d'un monde imaginaire. Créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle. C'est bon, j'en ai plein cul, on va pas rentrer dans son jeu, on va arrêter de se faire emmerder. Prenez vos téléphones, coupez vos micros. Bienvenue dans le désert du réel. Et donc, ce soir, dans les chroniques de l'Interlace, épisode 1, de quoi va-t-on parler, Jean ? Alors, je le dis tout de suite pour nos auditeurs, la fois dernière, on avait annoncé qu'on parlerait des alternatives à Netflix qui nous viennent d'ailleurs que de France pour faire la suite à notre premier épisode. Mais bon, on est un peu des gros flemmards, on n'a pas fait notre travail de recherche et donc on a décidé de parler d'autre chose. On parlera donc de ces alternatives à Netflix qui nous viennent d'ailleurs que de France dans un autre numéro. Ce soir, on a décidé de vous parler de cinéphilie au singulier, de cinéphilie au pluriel, de cinéphilie 2.0. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, aujourd'hui, quand on est cinéphile, c'est quelque chose qui se passe non seulement dans la salle, mais également à la maison. Et vous le savez maintenant, dans Home Alone, on vous parle de ce qui se passe chez vous, entre les films et vous. Et donc, je pense que pour aborder cette discussion qui risque d'être longue et de s'étaler sur de nombreux épisodes, ou en tout cas plusieurs épisodes, il serait utile de commencer, Jean, si tu veux bien, par une question toute simple que j'ai envie de te poser. Jean, comment es-tu devenu cinéphile ? C'est une très bonne question, une très belle question. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est cinéphilie 101, comme diraient les Américains. Moi, je ne vais pas réfléchir 3000 ans. Quand on me pose cette question, j'ai toujours à peu près la même réponse, c'est ma cinéphilie me vient de ma mère. J'ai le souvenir que ma mère aimait, et elle aime toujours, hein, mais aimait plutôt le cinéma, sans être vraiment une cinéphile. Mais alors, qu'est-ce qui définit le fait d'être cinéphile ? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est pas quelqu'un qui avait forcément la mémoire des titres, des réalisateurs, encore moins des réalisateurs, justement. Mais en tout cas, elle aimait le cinéma. On avait à la maison Canal+. Et elle nous emmenait, depuis très jeune, elle nous a emmenés au cinéma avec mes deux sœurs. Donc voilà, ça a commencé comme ça, en gros. Voilà. D'accord. Tu veux que je développe plus ou tu veux parler de tes débuts à toi ? Écoute, je peux parler de mes débuts à moi. Moi, j'ai grandi dans une maison où la télévision... qui n'était pas un objet de rencontre de la famille, enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas un objet autour duquel on se réunissait de manière cérémoniale. La télévision était posée sur un petit meuble de télévision dans lequel il y avait quelques cassettes, et notamment Pédale Douce. Une cassette que quand je regardais, je la regardais de loin, mais qu'on me disait qu'il ne fallait pas trop la regarder. Donc, en fait, ma cinéphilie, elle est née comment ? Parce qu'on n'allait pas, beaucoup au cinéma. Moi, je viens d'une famille où on allait au cinéma, en gros, une fois par an, voir le film de l'année. Par exemple, mes souvenirs d'enfance, c'est d'aller voir le premier Astérix et Obélix, c'est d'aller voir Le Seigneur des Anneaux, c'est d'aller voir Harry Potter. En gros, voilà, c'était... Moi, ouais, ça, c'est déjà vieux. Enfin, c'est quand même à un certain âge, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, c'est post-2000. Oui, nous, mais comment dire On a dit qu'on a la trentaine, on est de 91, donc ouais. Ça vous donne une idée à peu près d'où on est, quoi. Mais en tout cas, à cette époque-là, voilà, le film est quelque chose de sporadique, de ponctuel dans ma vie, quelque chose un peu sur un mode « l'occasion fait le larron ». Par exemple, moi, j'ai des souvenirs d'images animées, pour reprendre cette belle dénomination. Dans ces cadres-là, le film de l'année, ou avec les quelques cassettes qu'on avait à la maison, qui étaient surtout des Disney. Par exemple, je sais que mon enfance a été bercée par Rox et Rookie, que je trouvais très triste et que je trouvais très beau. Mais alors, ma cinéphilie, quand est-ce qu'elle est née ? Je pense qu'elle est née grâce à deux personnes, notamment, qui étaient deux de mes professeurs, et à qui c'est peut-être l'occasion de rendre hommage ici ce soir, Monsieur Montagne et Monsieur Cagnot, des professeurs qui, à un moment donné, m'ont fait découvrir un cinéma que je ne connaissais pas forcément et un rapport au cinéma qui n'était pas le mien, à savoir scruter le programme du cinéma RSC. Et là, en même temps, en disant ça, je me rends compte que c'est faux. Je me rends compte qu'en fait, ma cinéphilie, elle est née avant eux. Et oui, certes, après Rox et Rookie, mais quand même avant eux. En fait, ma cinéphilie à moi, elle est née au Vidéoclub. Elle est née au Vidéoclub parce que j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Le Frincouc, une ville de 5000 habitants, limitrophe d'une ville beaucoup plus grande qui s'appelle Dunkerque, qu'on embrasse. Dunkerque. Dunkerque. Il faut enlever le R quand on est respectueux. D'accord. Et en fait, oui, c'est là que ma cinéphilie, elle est née. C'est-à-dire qu'on se faisait chier, voilà, pour dire les choses clairement. C'était l'été, il faisait chaud, trop chaud pour nos petits corps de nordistes, et donc on fermait les volets et on regardait notamment du cinéma d'horreur japonais. Voilà. Et donc en fait, si ma cinéphilie est née quelque part, c'est vraiment là, c'est-à-dire que c'est là qu'est née ce qui pour moi peut-être est la cinéphilie. Alors à ce moment-là, tu vas me dire un petit peu toi ce que tu en penses de ce que c'est que la cinéphilie, mais c'est une manière de combler sa vie par le cinéma. Et je pense que c'est à cette époque-là que pour moi c'est né, et à cet endroit-là, aussi au Vidéoclub, avec les films d'horreur japonais, l'été quand on s'ennuyait. Voilà, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu entends par cinéphilie, Jean ? Bah, si je me trompe pas, étymologiquement, comme on disait en latin, dans les cours de latin du collège, cinéphilie, alors ciné, je crois que c'est... C'est l'image. Ça vient de kino, mouvement. Le mouvement, voilà. Et oui. Phil, voilà, vous connaissez tous Phil, l'amour du mouvement, en fait, en quelque c'est sorte. C'est ça. Et malheureusement, je vais faire mon relou, mais ça n'est pas du latin, c'est du grec. Ouais, non, mais oui. Kino, oui, ça sonne plus grec que latin. Non, mais c'est juste, moi, j'ai fait du latin et ça me rappelle tous les cours, enfin, où on parlait d'étymologie, quoi. Mais du coup. Ouais, je sais pas comment définir la cinéphilie. Je pense que chacun le définit à sa façon, mais moi, je l'associe vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se rapproche entre guillemets de ce terme qu'on utilise souvent pour parler d'autres choses. C'est la drogue. En fait, c'est comme une drogue le cinéma, oui. C'est-à-dire que on peut pas s'en passer quoi, et on a toujours besoin d'un shoot pour faire c'est une addiction, ouais, en fait. Et d'ailleurs, il y a 15 jours on parlait d'addiction. Il y a 15 jours on parlait d'addiction et on aurait pu parler de cinéphilie. Mais ouais, voilà, c'est Il y a, mais en même temps, je sais qu'il y a des cinéphiles ou des cinéastes cinéphiles, par exemple, parce qu'on entend plus souvent parler, on entend plus souvent la pensée de cinéaste que de... Enfin, si, on a des amis qui sont cinéphiles, donc on sait comment ils perçoivent ça, mais on n'en parle pas forcément directement de ce que c'est notre rapport à la cinéphilie. Mais quand les cinéastes en parlent, ouais, je pense qu'il y en a, ils ne sont pas du tout cinéphiles. Par exemple, il y en a, ils aiment le cinéma profondément, comme Werner Herzog, par exemple. C'est l'exemple le meilleur que j'ai, je pense, parce que ce mec-là, il a toujours dit qu'il regardait environ 5-6 films par an. Mais je pense qu'il vit cinéma, il aime profondément le cinéma, et en même temps, il le vit plus par le fait de faire des films et d'en faire beaucoup d'ailleurs, des documentaires, des fictions, des séries, plutôt que de le regarder. Quoi. C'est assez surprenant, c'est assez rare, je pense, parce que la plupart des cinéastes sont quand même assez consommateurs de films. On a pu le voir là pendant le confinement. J'avais vu, il y a Edgar Wright, le réalisateur anglais, qui a sorti toute une liste de tous les films qu'il avait vus pendant le confinement. C'est assez impressionnant. Et lui, on sait que c'est un gros cinéphile, ouais, vraiment. Et il y a aussi... Alors, c'était qui déjà? C'est Steven Bertrand Tavernier, par exemple. Soderbergh a sorti sa liste de séries, films et livres lus depuis qu'il y a le confinement. Le mec, il a vraiment fait une liste très organisée, qui correspond bien. Il faisait même ça avant. Et puis, oui, en France, on a des exemples de grands cinéastes, en tout cas de grands cinéastes comme par exemple Bertrand Tavernier qui nous a quittés il y a une poignée de semaines. Voilà, c'était quand même quelqu'un qui a été aussi important, si ce n'est plus, en tant que cinéphile dans le paysage cinématographique qu'en tant que cinéaste. Parce que Bertrand Tavernier, c'est quand même quelqu'un qui a apporté en France tout un cinéma américain. Donc, en fait... Cette histoire de cinéphilie, ça me fait penser à quelques mots d'Hervé Guibert que malheureusement je ne peux pas citer de mémoire et que je n'ai pas sous les yeux. Mais en gros, je crois qu'il disait que le cinéma, c'était une sorte de kit de survie à l'usage de ceux qui ont le mal de vivre, en gros. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on devient cinéphile. Parce qu'en fait... On parle de cinéphilie comme on parle presque de nécrophilie ou de pédophilie, en fait. En fait, la cinéphilie, est-ce qu'au fond, ce ne serait pas une forme de perversion? Est-ce que ce ne serait pas, au fond, une forme de refuge dans le fantasme? En tout cas, est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui permet de s'échapper du réel? Moi, je pense un peu. Moi, je pense que quand on aime les films à ce point-là, c'est peut-être, en fait, tout simplement qu'on y trouve une solution à ce qui, dans le réel, peut-être nous pose problème. Je ne sais pas ce que tu en penses. Comme toute forme d'art en général, je pense que la plupart des gens sont d'accord pour dire... La plupart des gens est d'accord, dit-on peut-être, pour dire que c'est une façon de s'échapper du réel, de toute façon. L'art, c'est juste le réel via le prisme d'une personne ou de plusieurs personnes, hein, mais au final, c'est du réel mis à distance, c'est du réel qui est plus facile à recevoir et à traiter. Pour avancer un petit peu dans la discussion, parce que tout de même dans les chroniques de l'Interlace, on essaye de vous parler notamment du monde d'aujourd'hui et notamment de nos vies numériques. Et moi, je me demandais, Jean, comment ta cinéphilie, s'était construite sur Internet et comment elle avait évolué sur Internet au fil du temps. Ouais. Je vais même reprendre avant Internet, parce que je pense qu'on est beaucoup à être nostalgique un peu de certaines époques de nos vies, de toutes les époques de nos vies même. Comme toi, j'ai commencé ma cinéphilie avec la cassette. Et t'as pas précisé, mais pour les plus jeunes qui nous écoutent, on parle de cassette VHS. Donc, c'est ces gros blocs noirs en général, avec deux bandes apparaissantes. Donc voilà, ça a commencé par la VHS. Comme toi, j'avais beaucoup de cassettes Disney chez mes parents. Et d'ailleurs, je me souviendrai toujours que mon premier, je crois que c'était Ma première cassette, mon premier film, mon premier cadeau cinématographique, c'était une cassette Disney, c'était Blanche-Neige et les Sept Nains, qui est, je crois d'ailleurs, le premier Disney officiel, je crois, de 37. C'est le premier long métrage du studio Disney, oui. Ouais. Oui. D'ailleurs, la cassette déconnait dès le début. Pendant 15 minutes, il y avait plein de problèmes au niveau visuel. Donc... Mais bon, c'était tellement... Au final, c'est assez génial de se souvenir de ça. Si elle avait marché nickel, je m'en souviendrais peut-être moins, je ne sais pas. Mais ouais, ça a commencé par les cassettes. Ensuite, comme on avait Canal+, il y avait... C'est une époque... En fait, c'est pour ça, c'est très con, mais c'est pour ça que mes parents et même nous, on pensait pareil. On a arrêté Canal+ un jour parce qu'il y avait de moins en moins de cinéma, en fait. C'était devenu beaucoup plus sportif. C'était une époque où il n'y avait pas les chaînes Ciné+, Frisson, Ciné+, Comédie, machin. Il y avait juste Canal+, quoi, en fait. Donc, à un moment, ils se sont mis à mettre vraiment beaucoup de sport, surtout le week-end, le moment où on avait le temps de regarder les choses. Oui. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a arrêté Canal+. Mais quand j'étais vraiment très petit, c'était vraiment très, très, très cinéma, quoi, à fond. Ce qui fait que, bah, forcément, c'est là où on a commencé, en fait, à enregistrer des films à la télé. Et la première collection de films dont je me souviens, à part les Disney officiels, enfin des vraies cassettes Disney, c'est les enregistrements Canal+, quoi, en fait. Et donc voilà. Et donc en fait, la cinéphilie, c'est là où je trouve ça assez passionnant, c'est que je pense qu'on est tous dans le même cas, quasiment. Les films que vous avez le plus vus de fois, c'est les films de votre jeunesse en général. Parce qu'on est quand même, quand on est gamin, on est très, je sais pas comment dire, mais on est très, on veut toujours voir le même truc, quoi. Genre, on est assez obsessionnel, on est assez monomaniaque. Ouais. Et on avait accès à moins de choses déjà, mais en plus de ça, on regardait tout le temps, on avait quand même un désir de regarder tout le temps le même film. Alors qu'aujourd'hui, je revois très rarement des films, mais je me souviens, ma mère était assistante maternelle et on avait une gamine à un moment, elle avait genre 4 ans et... Tous les matins, avant d'aller à l'école, elle regardait Les 101 Dalmatiens. Tous les matins. Genre, c'est-à-dire que c'est vraiment au quotidien, elle regardait le même. Elle voulait voir le même dessin animé. Je trouve ça assez génial. Mais c'est très pertinent. Je trouve que tu parles de ça parce que c'est vrai que nous, les néo-trentenaires, on est une génération qui avons grandi, en fait, avec ce qu'on avait sous la main. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le streaming. Et aujourd'hui, on va parler de la cinéphilie sur Internet, mais il faut bien comprendre d'où on parle. Et nous, en fait, nous, on parle depuis une époque dans laquelle on a grandi, où à un moment donné, les seuls films auxquels on avait accès, c'était ceux qu'on avait à la maison et éventuellement ceux qu'on avait au Vidéoclub, si on avait une carte de Vidéoclub. Ce qui change, en fait, peut-être beaucoup de la manière dont on va parler de tout ce dont on va parler. Et surtout, qui a beaucoup influé la manière dont on a, enfin la façon dont on a découvert le cinéma, en fait. Parce que oui, c'est sûr que moi, par exemple, bah oui, quand je te parlais de Rocks et Rookies, c'est vrai qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que j'ai autant regardé Rocks et Rookies ? Parce que tout simplement, en fait, c'était une des seules cassettes qu'on avait. Et aujourd'hui, je ne sais pas si pour les enfants qui accrochent au cinéma, qui voient quelque chose qui peut remplir leur vie, ou en tout cas avec quoi ils ont envie de remplir leur vie, je ne sais pas s'ils ont le même rapport compulsif, parce qu'eux, ils ont accès à des centaines, des milliers de films via Netflix, alors que nous, on avait accès à peut-être la dizaine ou la douzaine ou la vingtaine de cassettes qu'on avait dans le meuble de télévision. Et donc, ce n'est pas la même chose. C'est de là qu'on parle. Ce n'est pas la même chose, mais alors, je peux dire, parce que j'ai 4 neveux, nièces, une nièce et 3 neveux, et il y a quand même ce truc obsessionnel sur certaines œuvres reste, ça, clairement, parce que, clairement, là, tous les gamins du monde, j'ai l'impression, ils sont tous à fond dans Cars et dans Pas de Patrouille. Est-ce que tu as des nièces ? J'ai une nièce et elle adore Pas de Patrouille, pas Cars, mais elle, c'est la Reine des Neiges, du coup. Ah oui, la Reine des Neiges. Clairement, c'est... Ah bah oui, la Reine des Neiges, qu'elle veut tout le temps revoir, en tout cas. Il faut qu'elle ait les couverts la Reine des Neiges. Elle a eu la tête à coiffer la Reine des Neiges. elle a eu la petite robe, la Reine des Neiges, la brosse à cheveux, la Reine des Neiges. Enfin, c'est... Oui, non, mais c'est vraiment ça. Elle est complètement obsessionnelle. C'est les films et les produits dérivés, parce que les gamins, ceux qui sont à fond dans Cars, c'est pareil, ils ont tous les trucs Cars du monde. Ben oui. Même le lit Cars, quoi, genre. Ben oui. Donc le truc, le côté obsessionnel de l'enfance reste, n'a pas disparu malgré l'étendue du répertoire qui est accessible pour tout le monde maintenant. Enfin voilà quoi. Mais du coup, alors, à quel moment dans ta vie de cinéphile est apparu Internet ? Comment, à quel âge, de quelle manière, avec quel logiciel, avec quel site, raconte-nous. Bah alors, mon souvenir le plus vieux que j'ai, c'est vraiment sixième. C'est en sixième que j'ai senti que là, je me créais ma propre cinéphilie, c'est-à-dire que je regardais plus les films forcément en même temps que ma mère ou mes sœurs. Je regardais plein de films tout seul. Et là, j'ai cherché à découvrir le plus de choses possibles. Je sais que je regardais forcément ce qui passait à la télé et j'enregistrais en cassette, je revoyais, etc. Mais c'est des amis de, enfin une famille qui était amie de notre famille avec des enfants aussi, mais qui étaient plus vieux. Et il y en avait un frère qui avait, je pense qu'il avait, je sais pas, moi je devais avoir 12 ans et lui il devait en avoir, il a 7 ou 8 ans de plus que moi, donc il avait déjà 20 ans quoi, la vingtaine. Et c'est lui en fait qui a commencé c'est lui qui a téléchargé le premier en fait, qui a connu les premiers trucs d'Internet. C'est lui qui t'a fait découvrir ça. C'est lui qui avait l'âge pour découvrir les premiers trucs du style MSN et je sais même pas sur quoi il téléchargeait à l'époque. Je sais même pas si c'était Emule ou pas, mais je crois que c'était Emule. Et pour ceux qui nous écoutent, Emule, hein, ça parle en général. La petite tête de mule quoi. Pour les trentenaires. Marron. Ouais. Et en fait, ça, là, il y a eu une ouverture à pas mal de nouveaux films qu'en fait, il nous passait. En fait, lui, il gravait les films en DivX. Hein, ça a été le début des pirates. Hein, c'était le DivX, c'est-à-dire qu'on ne se contentait pas juste de télécharger le film, on le gravait sur un CD. Et surtout à l'époque, en fait, je crois qu'à cette époque-là, le graveur était rare. Peut-être. Je me souviens que j'avais un voisin qui avait monté un business. Pour le coup, ce n'était pas avec des films, mais c'était avec des jeux vidéo. Et en gros, il téléchargeait des jeux de PlayStation. Et à l'époque, les graveurs coûtaient 5000 francs. Donc en fait, pour donner un équivalent en euros, en gros, c'était 1000 euros un graveur. Et ça mettait, je ne sais pas moi, 2 heures pour graver un CD. Et en fait, lui, il téléchargeait donc pendant, je sais pas, une semaine par jeu. Hein. C'était une semaine de connexion Internet alors qu'il n'y avait pas encore la DSL ni les forfaits illimités. Et en fait, il avait son petit business où il vendait les jeux pour 20 euros. Il nous mettait la puce dans la PlayStation. Et donc, oui, c'est vrai que nous, quand on a commencé notamment à regarder des films, il faut le dire, hein, illégalement, grâce à Internet, gratuitement, mais illégalement, c'était quand même pas comme aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que quand on lançait un film à télécharger, déjà, il fallait qu'on ait la DSL, parce que sinon, on explosait le forfait, 56K de la maison. Puis, il fallait attendre une semaine le temps que le film télécharge. C'est ça, et puis, quand le film avait terminé de télécharger, on pouvait se rendre compte qu'en fait, c'était pas le monde de Nemo, mais que c'était un porno. Hein, ça, parce que ça arrivait souvent aussi. Ah putain, il y avait vraiment beaucoup de porno, ouais, j'avoue. Beaucoup de porno. Il y avait un système de notation, je me souviens, sur les sites. C'est-à-dire qu'on pouvait voir si les fichiers étaient fiables, entre guillemets, ou pas fiables. Moi, j'ai l'impression que toi comme moi, du coup, en fait, Internet est rentré dans nos vies de la même manière. C'est-à-dire, Internet, c'était à la fois une porte ouverte sur plein de films possibles, mais qu'en même temps, c'était une sorte de défi quand même de trouver des films sur Internet. Mais donc, les films qu'on téléchargeait, comment on les trouvait ? Toi, je ne sais pas, Jean, mais est-ce que tu allais dans des livres à la bibliothèque pour trouver des films à télécharger sur Emule ? Est-ce que tu allais sur des forums ? Est-ce que tu allais sur des blogs ? Rappelons qu'à l'époque, Facebook n'existait pas. Comment tu les trouvais, ces films que tu téléchargeais ou alors que... Ou alors comment ton copain qui téléchargeait ces films les trouvait ? Franchement, c'est marrant, mais je me souviens même pas, quoi. En fait, bah, au début, du coup, c'était lui qui gravait les DivX. Et je me souviens avoir... Ouais, on a regardé... On regardait tout le temps les mêmes, en fait. Le seul et le premier qui me vient en tête, ça reste Full Metal Jacket, parce que la blague, c'est que... C'était ça aussi qui était cool, c'est qu'en fait, son frère était plus vieux, donc... En fait, ça m'a aussi ouvert à très jeune à des films que j'étais peut-être pas censé voir à cet âge-là. Mais oui. ça fait aussi partie de la cinéphilie parce que vous avez tous regardé en cachette des films d'horreur que vous n'étiez pas censé voir, je pense. Mais Full Metal Jacket, voilà, c'est pas un film. Ouais, L'Exorciste, c'est le plus connu, vraiment, la cassette interdite. Ouais. J'ai un pote, ses parents, ils l'avaient en cassette. Elle était cachée, il fallait pas qu'ils y touchent, mais forcément, ils savaient où elle était. Mais du coup, ouais, et Full Metal Jacket, c'est super drôle parce que, avec mon pote, on regardait tout le temps que la première partie avec Baleine. Et j'ai mis au moins 6-7 ans avant de voir la suite du film. Mais c'est parce que c'était tellement culte, en fait. C'était le grand frère, il nous disait, pour vous regardiez la première partie de ce film, mais on n'allait pas plus loin. Mais du coup, voilà. Mais après, je ne sais pas du tout comment j'entendais parler des films. Parce que moi aussi, je viens d'une petite ville. Donc, bon, il y a une bibliothèque, mais j'allais pas à la bibliothèque. J'étais pas encore à l'âge où j'allais me dire, je vais aller bouquiner des livres sur le cinéma en espérant trouver des trucs à regarder, quoi, ou à télécharger. Mais du coup, ouais, non, je sais pas. Je sais vraiment pas. Bah, moi, j'ai un petit souvenir. Moi, je sais qu'à partir du moment où je me suis dit que ce qui me tombait sous la main ne me suffisait plus. J'ai souvenir quand même d'avoir tapé déjà dans Google à l'époque. Je crois que Google, ça date de 2007, quelque chose. Non, peut-être, je ne sais pas. C'était peut-être pas dans Google à l'époque. Mais en tout cas, j'ai souvenir d'avoir cherché sur Internet les 100 films à voir dans sa vie, des choses comme ça. Et je sais que, voilà, la cinéphilie ma cinéphilie des années 2000, et je pense que pour tous les gens qui ont été adolescents dans les années 2000 et qui se sont découverts cinéphiles à cette époque-là, j'ai l'impression que pour cette génération et pour ces gens comme moi, ces gens comme toi, Jean, oui. Ça a été beaucoup de tâtonnements comme ça, c'est-à-dire on cherche une liste avec les 50 meilleurs films d'horreur, ouais. Ou alors les 100 films à voir dans sa vie qu'on trouve sur Internet juste en faisant une recherche et puis on télécharge comme ça tout ce qu'il y a dans la liste par curiosité parce que ça y est, en fait, ça fait quelques années qu'on fait ça et ça y est, on a enfin la DSL. Alors à l'époque, la DSL est beaucoup plus lente qu'aujourd'hui, donc télécharger 700 MO, ça met du temps. Mais voilà, on lance 50 films d'un coup. Et puis moi, j'ai souvenir qu'au fur et à mesure où les films arrivaient, je les regardais. Et ça pouvait être du cinéma italien des années 50, comme ça pouvait être du cinéma américain ou russe des années 30, comme ça pouvait être du cinéma français des années 80. Et je regardais tout parce que en fait je connaissais rien, voilà. Donc ça se faisait de manière très anarchique pour moi, j'ai l'impression, pendant tout un moment, très désorganisé et en même temps très très libre. Mais ouais, mais du coup, moi, je saurais pas dater exactement, mais je dirais que c'était à peu près mi-collège, enfin genre quatrième ou troisième. C'est là où vraiment j'ai Parce que sixième, ouais, c'était la découverte, un âge, c'est bête, hein, mais en sixième, on a 12 ans. Enfin, on fête ses 12 ans, sauf ceux qui sont de la fin de l'année. Mais du coup, forcément, à l'époque, c'était encore plus connu que maintenant, avec Canal+ et tout. C'est le fameux moins de 12. C'était le triangle orange, je crois. J'ai un doute. Il y avait le rond. Oui, quelque chose comme ça. Oui, il y avait des symboles à l'époque. Ouais, à la et place ça, des vraiment, les, mes parents, ouais, ma mère était vraiment à tatillon là-dessus. Il y avait le rond bleu, c'était accord parental souhaitable. Celui-là, il est assez génial. Après, il y avait le triangle vert, en fait, peut-être le triangle, je ne sais plus. Il y avait le carré, je ne sais plus, carré rose. Jaune. Carré rose ou jaune qui était moins de 16, et ensuite c'était la croix sur fond violet, là c'était le X. Hein. Et le X ou le ou alors potentiellement certains films d'horreur, mais je crois qu'il y en a eu très peu. Le moins de 18. Le droit à ça. Peut-être Massacre à la tronçonneuse ou des choses comme ça. Mais ouais, du coup, le moins de 12, ouais, sixième. Moi, bah, je me souviens de ma première cassette, mais je me souviens aussi de mon premier DVD. C'était, j'avais trouvé un billet de 10 euros par terre dans le collège et je suis allé direct au supermarché. Je me suis acheté Fight Club. C'est l'époque où les DVD, il y en avait pas mal de. Enfin, les films qui étaient déjà sortis depuis un moment et coûtaient 10 balles en général, quoi. Ce qui était plutôt un bon prix à l'époque. Enfin, ça va. Ça limite, c'est limite plus cher maintenant. J'ai l'impression c'était que. Pas donné. C'était si pas donné. Ouais, mais si on va à la Fnac maintenant, j'ai l'impression que c'est minimum 13 balles, je crois. À la Fnac, oui, mais si tu vas chez Noz ou chez des magasins de stockage, tu peux trouver des films à 2-3 euros et des trucs bien. Hein. Moi, j'ai acheté un Blu-ray de Scream 4 à 4 euros ou 3 euros Noël dernier. Là, j'étais content. Hein. Ah bah clairement, s'il y avait eu tous les magasins cash machin là, à l'époque, je me serais fait moins couillonner, quoi. Parce que je me suis fait une grosse partie de ma collection de DVD sur les Cash Express, les Easy Cash, etc. Ouais, ouais. Mais là, là je te parle de magasins de déstockage, carrément pas de revente de... Enfin, des trucs de liquidation judiciaire et tout. Enfin, okay. Bon, bref. Revenons à Internet, quand même. Enfin, mais ouais, du coup... Toi, vraiment, moi, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, et je pense qui intéresse les auditeurs, puisqu'on va... parler pendant ces plusieurs épisodes qu'on va dédier qu'on va consacrer à parler des cinéphilies 2.0. Comment ça commence? Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais dans ton rapport entre ta cinéphilie et Internet? Vraiment le moment où ça commence, ouais. Où ça déclenche, où vraiment ça commence à passer par Internet. Bah, je pense que oui, c'est là où je voulais en arriver, c'est quatrième ou troisième, je pense. Ouais. Je pense que c'est l'époque où là, je télécharge moi-même mes films. Et alors, du coup, ça m'a rappelé des souvenirs. Là, tu parlais de listes et tout. Je pense que beaucoup de cinéphiles se reconnaîtront là-dedans. Je pense qu'à l'époque, il y avait quand même vraiment pas beaucoup de listes de cinéma, je pense, sur Internet. Et vraiment, la plus connue qui a servi de base pour beaucoup, comme moi, c'était le top 250 IMDb, quoi. Vraiment, oui. Le top 250 IMDb, qui a toujours été d'ailleurs... qui a eu comme première place Les Évadés. Et le parrain 2 en deuxième et le parrain 1 en troisième. Je crois que ça fait des années que c'est le cas. Mais ouais, le top 250 IMDb, ça a vraiment été une base. La première liste, je pense, que j'ai consultée et que j'ai utilisée pour télécharger des films. Et on parle d'une époque, si vous connaissez le top 250 actuel, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, mais il a beaucoup changé. À cause ou grâce, hein, selon vos préférences, à cause de tous les films de super-héros, Marvel, oui. Et de tous les Christopher Nolan qui sont... Ouais. Je crois que Christopher Nolan, il doit avoir genre 4 ou 5 films dans le top et même dans le top 20 ou dans le top 30, quoi. Vraiment, dans le top 10, je crois qu'il y a 3 Nolan, quoi. Il doit y avoir Dark Knight, je sais pas quoi. Mais à l'époque, le top 250... Bah, il y avait beaucoup plus de vieux films, on va dire, quoi, de vieux classiques. Comme disait Clément, il pouvait y avoir des... Il y avait, genre... Je suis pas sûr que genre, Metropolis ou un Eisenstein soient encore dans le top 250 aujourd'hui, ça, peut-être. C'était, hein, ça, mais... c'était plutôt dans des listes du type... Moi, je me souviens que pour les... Enfin, comment dire... Quand j'étais déjà bien inséré dans le téléchargement et tout... Je me souviens que pour télécharger des classiques, parce que j'avais une sorte d'angoisse de ne pas avoir la culture légitime qu'il fallait, j'allais chercher du côté des listes qui étaient éditées par ce magazine anglais ou américain qui s'appelle Sight and Sound. La liste anglais, aussi ouais. Du British Film Institute, du BFI. Ouais, ça c'est plus tard, ça. Voilà, mais ça c'était plutôt au lycée. Mais oui, quand je me rendais compte que le cinéma était aussi une culture légitime et que je ne la possédais pas forcément, je sais que c'est là, moi, du côté de ces listes-là que j'allais chercher. Mais on est d'accord, Jean, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux de cinéphilie. Au sens où on l'entend aujourd'hui, des plateformes où, à un moment donné, on sait ce que les gens regardent, on dit ce qu'on regarde, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'interactivité. Je crois pas, non. Moi, j'en ai pas le souvenir. Il y en avait peut-être, il y avait sûrement des forums ou même, vu qu'à l'époque c'était à la mode les skyblogs, il y avait sûrement des skyblogs cinéma, oui, mais ça se passait dans les commentaires. Enfin, je veux dire, on n'avait pas chacun une page sur laquelle on pouvait voir très facilement ce qu'on avait vu, quand est-ce qu'on l'avait vu. C'était pas du tout ça. Comment ça s'appelait ce réseau où on pouvait faire une sorte de vitrine d'images qui est toujours Tumblr utilisé d'ailleurs. Tumblr, ouais. Peut-être qu'il y avait des gens qui faisaient Tumblr cinéma, j'en sais rien, mais moi je les connaissais pas, toi. Donc ouais, il y avait pas, j'avais pas de réseau. À l'époque, il y avait la différence avec maintenant aussi. Ça fait quand même pas mal d'années que qu'ils ont enlevé ça. Je trouve ça dommage. Il y avait quand même un espace forum sur IMDb très très poussé, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que les forums IMDb ont fermé et même disparu. Ouais. Ah bah ils les ont supprimés du jour au lendemain je crois sans prévenir genre si tu les avais pas sauvegardés et je sais même pas si tu pouvais les sauvegarder genre tous les gens qui avaient discuté pendant des heures et des heures sur j'en sais rien les bah, on imagine le forum de 2001 l'Odyssée de l'espace devait être sûrement assez chargé c'est un peu triste je trouve qu'ils aient enlevé ça je crois qu'ils l'ont fait juste pour éviter le je crois que c'est le moment où en fait comme les réseaux sociaux n'ont pas changé depuis, c'est le moment où je pense qu'il y a eu cette culture un peu du troll, du hate, des mauvaises vibes qui ont fait qu'ils ont décidé de fermer ça quoi, pour éviter les clashs. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que quand on était jeune, entre guillemets, en tout cas quand on était adolescent ou préadolescent, c'est vrai que moi, je ressentais en tout cas Internet comme un espace sans menace. J'aime pas le mot de safe parce que je trouve qu'on a des mots pour dire les choses en français, mais c'est vrai que c'est quelque chose, le sentiment d'oppression sur Internet qui, pour moi, en fait, est apparu avec les réseaux sociaux. Du temps des blogs, du temps des forums, pour moi, il n'y avait pas tellement des trolls, il y avait des haters. Voilà, il y avait des gens qui avaient la rage. Mais il n'y avait pas ce truc de d'écraser l'autre. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que l'internet cinéphile tel qu'on l'a découvert, c'est peut-être parce que tout simplement il y avait moins d'interactions sur les blogs et les forums que sur les réseaux sociaux. Mais c'était un espace plus convivial qu'aujourd'hui, moins dans la négativité. Ouais, non, je pense que clairement ça, c'était pas trop encore J'ai l'impression que les gens, et surtout quand on parlait, surtout sur des forums de cinéma, genre, je pense que c'est plus la passion qui transparaissait que le clash, genre, il y avait pas. J'ai l'impression que les gens se définissaient plus par ce qu'ils aimaient que par ce qu'ils n'aimaient pas. Si t'allais parler sur un forum d'un film en particulier, c'est parce que tu l'aimais en général. C'était pas, il y avait pas ce truc. C'est pas comme un post sur Facebook d'un film où là, il y a des gens qui l'ont pas aimé, des gens qui l'ont aimé. En général, tu vas sur un forum d'un film en particulier, c'est parce que tu l'aimes. Il y avait pas cette culture du pouce en haut, pouce en bas. Il y avait pas les films de pour en revenir à ça, il y avait pas les films de Marvel et tout qui quand même font partie des choses qui divisent un peu trop aujourd'hui et on a pu le voir encore avec l'affaire Scorsese etc qui a parlé sur les films de super-héros. Mais bref, c'était vraiment différent en tout cas, clairement. Mais oui. Moi, j'allais pas trop sur les forums de IMDb, mais j'ai vu un peu quand même, j'ai lu quelques trucs et tout, je me souviens et c'était quand même génial parce que ça permettait de découvrir l'opinion d'autres personnes sur les films qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Parce que si vous n'avez pas d'amis, moi j'avais des amis qui... tout le monde aime le cinéma un minimum, mais dans le lycée où j'étais, dans une petite ville, j'avais l'impression quand même que c'était un peu... les gens, mes potes me connaissaient comme le cinéphile et genre, j'avais pas personne d'autre qui était à fond autant que moi dans le cinéma pour en parler. Donc au final, Internet, c'était un refuge pour trouver des gens qui en parlent, quoi. Ben oui. Et oui. Mais c'est pas Clément. Pas encore. Et moi, je ne connaissais pas Jean. Mais j'avais quand même Manon sous la main. J'avais quand même des acolytes. J'avais peut-être un petit peu plus de chance que toi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que au tournant de l'adolescence, pour toi comme pour moi, et pour les gens de notre génération, Internet était, oui, c'est vrai, plutôt un lieu de positivité, un lieu où on partageait ce qu'on aimait, plutôt qu'un lieu de négativité, comme en fait ça l'est peut-être un petit peu devenu, ou en tout cas un lieu mixte où en fait les gens disent en permanence ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et ça, je pense que c'est une évolution très, comment dire, marquante de la cinéphilie sur Internet. C'est-à-dire que oui, je pense que c'est quelque chose qui s'est construit dans l'amour des films et quelque chose qui a évolué vers le jugement des films. Et je pense qu'en fait, Jean, si tu es d'accord, là, on a pas mal ouvert la discussion, on a pas mal ouvert ce terrain. Ça fait à peu près 45 minutes qu'on parle de la cinéphilie, de notre cinéphilie, de comment elle est née et de comment, à un moment donné, Internet s'y est greffé. Et donc, à la rigueur, je te propose, si tu veux bien, qu'on mette cette discussion en pause, qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça. Et peut-être que la prochaine fois, tout simplement, on continue d'avancer dans le temps pour voir un petit peu, ben justement, en quoi l'arrivée des réseaux sociaux a pu changer les choses, l'arrivée du très haut débit aussi, des capacités de disque dur supérieur. Enfin bref, qu'on parle peut-être dans un prochain épisode, tout simplement, ben, de l'étape suivante dans nos vies, de cette cinéphilie qui a peut-être été la nôtre au tournant de la vingtaine. Et de comment Internet était à ce moment-là. J'ai l'impression, moi, que c'est le bon moment pour couper et pour ouais. Et passer à la suite. On peut couper là, parce que c'était encore les années collège, fin collège, et juste pour terminer les années collège, je pense qu'après la liste IMDb de top 250, il y a eu une ressource essentielle quand même pour moi, qui a été un livre très connu qui s'appelle « Mille et un films à voir avant de mourir ». Et voilà. Oui. Là, ça ouvre aussi à pas mal d'autres choses, des cinémas très différents et puis de toutes les époques vraiment, parce que là, ça commence dès les débuts du cinéma. Est-ce que c'est un livre qu'on t'avait offert ? Ou est-ce que c'est un film ? C'est un livre que je voulais avoir, donc soit on me l'a offert parce que je le voulais, soit je l'ai acheté moi-même, mais en tout cas, je le voulais, voilà. Donc ouais, ce livre-là, il a quand même joué pas mal dans la découverte dans ma découverte du cinéma au sens large. D'accord. Coupons pour maintenant, restons-en là, restons-en à cet âge pas toujours merveilleux, mais toujours intéressant, qui est l'adolescence. Disons-nous que l'on reprendra cette discussion un autre jour et qu'on ira un petit peu plus loin dans tout ça, sur ce chemin. Et Jean, je te propose, avant d'attaquer notre prochaine rubrique, qui est une nouvelle rubrique pour nos auditeurs qui ont déjà écouté le pilote, oui. Tu veux lancer une musique, c'est ça? Mais avant de lancer une musique, j'aimerais bien, parce que ça me tient à cœur quand même, j'aimerais bien, comme on a parlé des débuts de notre cinéphilie, j'aimerais bien que tu me parles au moins très rapidement, hein, ou que tu me dises juste un titre, tu me parles d'une cassette VHS que tu as, comme on dit, poncée. Eh bien alors, j'ai déjà parlé d'une cassette VHS que j'ai poncée. C'était Rock Rookie, ouais. Il y a d'autres choses que j'ai poncées. Alors, moi, il y a deux choses que j'ai poncées. Une chose de l'enfance et une chose de l'adolescence. Il y a déjà dans l'enfance, la caverne de la Rose d'Or. Alors, pour ceux qu'on mettait devant la télé pendant les vacances de Noël, sur M6, voilà, vous tombiez sur cette chose très étrange, cette adaptation d'un conte, cette adaptation très libre d'ailleurs, d'un conte, si je ne m'abuse, de Pirandello, qui s'appelait La caverne de la Rose d'Or en France, Fantagaro, ou La légende de Fantagiro à l'international, qui était une série de films. Il y en avait il y en avait un en deux parties de nouveau tous les ans, quasiment pendant 5 ou 6 ans, réalisé par Lamberto Bava, le fils de Mario. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que pendant 6 ou 7 années de mon enfance, je ne manquais jamais. Et c'est très drôle que tu me poses cette question et que je me mette à en reparler, parce que c'est une série de films que j'ai redécouverte pendant le premier confinement. je me suis dit que j'allais revoir ça. Parce que voilà, j'ai tourné mes yeux vers le passé et je me suis dit « Ah, ça fait partie de mon histoire et j'aurais envie de le revoir. Et » Et si vous nous écoutez, si vous avez des enfants qui bon, ont quand même la capacité de concentration de rester devant un film d'1h30, eh bien montrez-leur La Caverne de la Rose d'Or, parce que cette série de films signée Lamberto Bava est très très intéressante, non seulement d'un point de vue visuel, mais en plus d'un point de vue narratif. Pour moi, La Caverne de la Rose d'Or, avec le recul, je me rends compte que c'est quelque chose qui, peut-être dès mon plus jeune âge, a parlé en moi à a fait écho à un petit peu le rapport à l'amour que j'allais développer. Voilà, pour moi, La Caverne de la Rose d'Or, donc c'est quelque chose que j'ai poncé, quelque chose que j'ai retrouvé à l'aube de ma trentaine, que j'ai trouvé très, très intéressant. Et sinon, une autre chose que j'ai poncé, bah, c'est évidemment le DVD de Basic Instinct de Paul Verhoeven. Basic Instinct, un film que j'ai découvert un soir, par hasard, quand il était diffusé sur France 3. Il faudra d'ailleurs un jour que je me renseigne sur la date exacte de cette diffusion, parce que c'est vraiment un moment qui a vraiment changé ma vie, parce que c'est un film que j'ai vu et malgré le fait d'avoir raté les 25 ou les 30 premières minutes, je me suis dit « Oula, là, il se passe quelque chose sur mon écran, quelque chose qui va changer ma vie, en fait. » Et tout de suite, c'était pas loin, c'était quelques mois avant mon anniversaire, j'ai dit à tous mes copains, vous allez m'offrir l'édition collector de Basic Instinct avec le film, les bonus et le stylo Picaglas et la bande originale. Et ça, par exemple, ça, c'est un film que, bah, du coup, pas durant mon enfance, mais durant mon adolescence, j'ai, comme tu dis, poncé. Parce qu'à un moment donné, c'est devant ce film que je me suis, que je me suis retrouvé confronté à ce que c'est que la mise en scène. Que je me suis retrouvé confronté au fait que quand il y a un cinéaste derrière la caméra, eh bien, il se passe quelque chose dans tes tripes et dans ta tête et tu es happé par le film. Voilà. Donc, peut-être qu'avant de mettre une petite musique, Jean, tu peux nous dire tout simplement quel film, toi, tu as pensé. Mais c'est cool que tu parles de Basic Instinct, parce que tu vas peut-être être content, mais je viens de revérifier, le 16 juin, il y a une ressortie en version restaurée de Basic Instinct au cinéma. Oh, mais je suis... Mais je suis donc, je suis sûr que tu ne l'as jamais vu au cinéma, en plus. Donc, je ne l'ai jamais vu au cinéma. Donc voilà, il ressort en Blu-ray aussi et tout, mais il ressort au cinéma le 16 juin. Donc mais comme alors, les salles vont réouvrir, c'est sûr. Disons-le à nos auditeurs, nous parlons du cinéma à la maison, mais là, pour le coup, Basic Instinct, c'est un film qui nécessite absolument, c'est une nécessité vitale, que vous sortiez votre cul de votre canapé ou du fond de votre lit et que vous alliez dans une salle de cinéma parce que Basic Instinct. Voilà. Clairement, moi je pense que j'irai. Et si vous ne l'avez jamais vu, vous êtes chanceux, vous allez le découvrir au cinéma. Si vous l'avez déjà vu, allez le revoir. Moi je ne l'ai pas vu depuis 1000 ans, donc j'irai le revoir au cinéma, je serais bien content. Ouais, c'est un film que j'ai vu une douzaine de fois dans ma vie, au moins, ne serait-ce que par fragments. Ou... Mais bon, Jean, dis-nous, bah, qu'as-tu pensé pendant ton enfance ou ton adolescence? Je vais parler de deux cassettes, c'est les deux premières qui me viennent en tête. Alors, il y en a une, c'est une cassette enregistrée à la télé. Sachez que enregistrée à la télé, ça pourrait presque paraître pirate. Et en même temps, c'était totalement légal. Et encore plus que ça, il y avait quand même des marchands de journaux qui proposaient à une époque, chaque semaine, les jaquettes des films qui passaient à la télé pour que les gens qui les ont enregistrés puissent faire une belle cassette avec. Ça, c'est assez génial quand même. Ah oui. Mais en l'occurrence, nous, on ne le faisait pas trop. Je crois qu'on doit avoir deux cassettes comme ça. Ça doit être E.T. et L'Ours de Jean-Jacques Hano, dont j'ai poncé le début. Alors, L'Ours, c'est marrant, je n'avais même pas pensé à L'Ours là, mais L'Ours de Jean-Jacques Hano, j'ai poncé le début. C'est-à-dire que je regardais que le début, les 10 premières minutes. Je ne sais même plus pourquoi, mais Genre vraiment, je chialais à chaque fois et je crois que c'était vraiment une séquence qui avait, où il n'y avait que les ours. Il n'y avait pas de Checky Carillo encore. Mais vraiment, ouais, je l'ai pensé ça au début, mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Moi, la cassette enregistrée que j'ai le plus pensé, comme beaucoup de gens, je pense, c'est un certain « Maman, j'ai raté l'avion ». En anglais, « Home Alone ». Mais ouais, oui, clairement. Alors ça, c'est une cassette que tu avais à la maison ou que tu avais enregistrée? Ah, c'est une cassette qu'on avait enregistrée. Hein. Je me souviens, il y avait le 1 et le 2, « Maman, j'ai encore raté l'avion » sur la même cassette. À New York. Et ouais, celle-là, je pense honnêtement, sans certitude, hein, mais que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Pourtant, c'est Clément qui a voulu appeler ce podcast « Home Alone ». Mais ouais, vraiment, celle-là, je l'ai pensé. Limite, ça me ferait vraiment un plaisir immense de pouvoir avoir accès à un magnétoscope là et de ce qu'on l'a encore la cassette hein, chez mes parents. Ça me ferait plaisir de le revoir. Parce qu'on, je me souviens de l'avoir mis à Noël il y a peut-être 2 ans avec mes neveux et ma nièce. Je leur ai mis en version numérique, mais en vrai, c'est vrai que les magnétoscopes se font rares maintenant, faut en avoir qui marchent encore ou en trouver mais sur oui, internet, moi j'en ai plus. Sur le j'en bon coin. Plus. Ça me ferait plaisir de le revoir sur la cassette sur laquelle je l'ai vu et de voir tous les petits effets VHS d'une cassette qui a été poncée. Donc voilà, pas besoin de parler plus de Maman j'ai raté l'avion, tout le monde le connaît par cœur. J'espère. Et sinon, pour la deuxième cassette, c'était un peu plus tard, donc mi-adolescence, mi-collège. J'aime bien parler de ça parce que je ne sais toujours pas pourquoi j'étais obsédé par ce film à cet âge-là, mais c'était enregistré aussi sur Canal+. C'était Virgin Suicides de Sofia Coppola. Et je me souviens que ce film-là, j'ai une image vraiment nette dans ma mémoire de le regarder une fois au moins avec mes sœurs. Donc, ça collait plus logiquement avec mes sœurs qui étaient un peu plus vieilles que moi et qui étaient sûrement à peu près de l'âge des comédiennes. Oui, et oui. Moi, j'étais plus jeune, je devais avoir 14 ans, ouais, je pense. Mmh. Et je sais pas, ça me passionnait ce film. Enfin, j'étais à fond dedans. Ah oui. Je l'ai regardé plein de fois après seul. Oui, ouais, je comprends ça parce que c'est drôle que tu en parles parce que sinon je pense que je m'en serais pas souvenu. Je me rappelle maintenant que le jour où j'ai vu ce film, il s'est passé quelque chose d'assez unique, de très fort en fait. L'alliance de ces images, de ces silences, de cette musique de R. Qui est d'ailleurs Corico, ouais. Un groupe français. Je crois. C'est drôle parce que c'est vraiment un souvenir de ma vie cinéphile que j'avais complètement perdu. Et là, maintenant que tu en parles, oui, je me remémore très bien du moment où j'ai vu ce film, du trouble en quelque sorte et en tout cas du sentiment de flottement que j'ai ressenti dans les heures qui ont suivi. Et oui, je pense que c'est un film où, quand on le découvre à cet âge, à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, c'est un film qui fait quelque chose quand même. Ouais. Ouais, je vois qu'il est sorti en 99, donc il est sûrement sur Canal+ en 2000. Donc en fait, ouais, je devais avoir 9 ans ou 10 ans même, je pense, quand je l'ai vu en fait. Ah ouais. Mais ouais, c'est déjà c'est aussi très beau visuellement. Sofia Coppola a toujours eu des super chefs-op et, et moi je sais que j'ai toujours très jeune, j'ai été très sensible à la photographie et je pense que ça a joué, mais oui, non, c'est plein de choses ce film et non, c'est difficile à expliquer, je pourrais pas dire pourquoi je l'aimais autant. Mais ouais, je l'ai revu plein de fois. Et d'ailleurs, désolé pour la prononciation en anglais, parce que quand on a 12 ans ou je ne sais pas quel âge, on disait « Virgin Suicide ». On ne parle pas anglais. Ah, moi, je dis « Suicide ». Ah non, Ah non, Dire Side. Tu ne dis pas Basic Instinct, tu dis Basic Instinct. Ah oui, je disais Basic Instinct. Là, c'est, oui, ouais, c'est au choix. En fait, la prononciation en anglais, c'est un peu aléatoire. Il y a des films, on va le dire à l'anglaise, et des films, on va faire un mix, enfin, du franglais. Ouais. Mais en général, ouais, on ne prononce pas trop à l'anglaise, quoi, à l'américaine. Mais alors, peut-être que pour cette petite transition musicale, on va encore se fâcher avec la SACEM et qu'on va écouter un petit peu de R. R. Ah bah allez. Playground Love. Et ensuite, on se demandera tous ensemble, avec notre invité spécial, dont on ne vous dévoile pas tout de suite le nom, on va se demander tous ensemble qu'est-ce que le cinéma. Mais donc d'abord... Alors, bienvenue dans cette dernière rubrique de notre épisode 1, nouvelle formule, la bien nommée « Qu'est-ce que le cinéma ?». Car, comme disait Malraux, le cinéma est un art et par ailleurs c'est aussi une industrie. Un art que pour comprendre, il faut donc étudier jusque dans sa fabrication. Et on s'est rendu compte dans Home Alone que bien souvent, vous, nos chers auditeurs, vous étiez cinéphile mais pas forcément cinéaste, que le cinéma n'était pas forcément votre métier. Et que donc il y avait parfois pour vous, pour certains, des zones de flou, des zones d'ombre. C'est pourquoi on a décidé de mettre en lumière radiophonique des hommes et des femmes, celles et ceux qui font le cinéma d'aujourd'hui, pour qu'ils vous parlent, pour qu'ils vous expliquent et nous expliquent à nous aussi d'ailleurs. Vous vous êtes toujours demandé ce qu'était vraiment le travail d'un producteur, d'un réalisateur, d'un chef opérateur, d'un assistant réalisateur, d'une directrice de casting. Dans Qu'est-ce que le cinéma ? On les amène au micro et on leur demande de nous raconter très concrètement leur pratique, comment ça se passe, en quoi consiste leur journée, leur quotidien, sans langue de bois et le plus simplement possible. Bonsoir. En temps normal, vous seriez censé entendre par-dessus ces quelques notes de musique des répliques de films que nous aimons. Malheureusement, le temps nous manque pour boucler ce nouveau générique. Alors, nous avons eu une idée. Sur cette musique, ce que nous aimerions entendre, c'est votre voix. Comment, me direz-vous ? C'est très simple. En nous laissant un petit message vocal sur notre répondeur au 03 74 44 89 49. Juste un bonjour, juste un hello. Parce que ce morceau de François de Roubaix s'intitule Les Amis et que les amis, c'est vous. Et pour ce numéro, ce premier numéro, nous accueillons donc Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir. Alors, donc, que fais-tu dans le cinéma ? Qui es-tu ? Comme Père Castor, mets tes lunettes et dis-nous tout. Du coup, moi c'est Anne. Je travaille dans la production cinéma. Je dis toujours que je suis chargée de prod... parce que je bosse pour plusieurs boîtes de production et à différents postes selon les besoins pour les films. Donc pour simplifier, moi je dis que je suis chargée de production, mais je peux faire le travail de l'assistante de prod jusqu'à directrice de production sur des tournages ou chargée de post-prod. Voilà, je fais beaucoup, beaucoup de choses pour la simple raison qu'on est souvent que deux dans les boîtes. Voilà. D'accord. Donc on doit faire beaucoup de choses. Oui, parce que toi, tu es dans une société indépendante, c'est ça hein, oui, dans une moi, j'ai un statut un peu particulier où, en fait, je travaille pour trois sociétés en même temps. Donc, du coup, je suis seulement intermittent du spectacle. Et je travaille pour trois sociétés en même temps, tout simplement. Et alors, peut-être, je me dis, après je donnerai la place aux garçons qui sont avec nous, mais peut-être que dans un premier temps, bon, alors tu as parlé d'intermittence du spectacle, je pense qu'on fera un point dans Qu'est-ce que le cinéma, dans un autre épisode sur Qu'est-ce que l'intermittence, parce que voilà, enfin, je pense que Sujet à part entière. C'est un sujet à part entière, exactement, mais puisqu'aujourd'hui, du coup, étant donné que toi, tu travailles, donc si j'ai bien compris, dans la production, et qu'on va donc parler de production, est-ce que en une ou deux phrases, tu peux juste expliquer à nos auditeurs c'est quoi la production ? Voilà. La production, c'est très simple. C'est un producteur qui représentera de manière financière et juridique un film. Donc, ça va de l'acquisition des droits jusqu'à la garantie de bonne fin d'un film. Donc, d'accord. À savoir. Toute la recherche de financement d'un film, c'est les personnes qui vont s'occuper d'engager d'autres personnes pour faire le film. D'accord. Voilà, c'est tout ça. C'est trouver l'argent, en fait. Principalement. Ce n'est pas que ça. Ah. Ce n'est pas que ça. C'est en grande partie, on parle tout le temps d'argent, ça c'est sûr. Pour moi. Je vais simplifier ça autrement. Un film, c'est un couple entre un réalisateur ou une réalisatrice et son producteur ou sa productrice. D'accord. Et comment dire, le film ne peut être possible que les deux sont réunis et le comment dire, enfin il n'y a pas de film, il n'y a pas de réalisateur ni de réalisatrice, mais si le producteur n'existe pas. Alors, je vous explique hein, pour nos auditeurs, on est dans un contexte un petit peu particulier parce que non seulement donc on est toujours confiné jusque demain, hein, ça y est, on enregistre le 2 mai, mais en plus de ça, voilà, c'est dimanche, on a eu des tout petits week-ends, on est un peu fatigué et donc c'est compliqué pour Anne comme pour Jean, comme pour Lucas, comme pour moi. Donc, pardon, voilà. J'ai totalement perdu ma phrase, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc Anne, toi tu as dit que tu étais chargée de production et que donc en fait c'était, si j'ai bien compris, comment dire ton titre, mais parce qu'en fait tu as beaucoup de casquettes, c'est bien ça? Oui, c'est voilà. Moi donc, aussi. Oui, Jean, énormément de casquettes. J'espère que qu'on va très vite fournir notre Instagram. Ou notre Twitter avec plus de photos parce que vraiment la collection de Jean est magnifique. Mais Jean, nous ne sommes pas là pour parler de tes casquettes, nous sommes là pour parler des casquettes de Anne. Et donc, tu es à la fois, selon les moments, selon les projets, donc assistante de production, tu peux être aussi directrice de production, tu peux être aussi chargée de post-prod. Alors, très rapidement encore une fois, est-ce que tu peux juste nous expliquer déjà, alors par exemple, c'est quoi une assistante de production ? Tout simplement, j'assiste les producteurs avec qui je travaille. Donc, ouais, je monte des dossiers, je m'occupe de la vie de la société, d'une certaine manière. Ouais, et au quotidien, très concrètement, ta journée d'assistante de production, elle ressemble à quoi ? Tu es devant un ordi, bah, tu es en train de courir partout, tu es devant des tableaux, devant des papiers. Je passe ma journée devant un ordinateur à faire des tableaux Excel, à faire des budgets et à revoir mes budgets. D'accord, ok. Et pour tout ce qui est alors et bah maintenant du coup pour la partie directrice de production quand tu fais ça sur un projet. Quand je fais ça sur un projet, en ce moment je fais souvent ça sur des clips. Ça m'arrive d'en faire. Et bah, je passe très clairement la plupart de mon temps devant un ordinateur et au téléphone en même temps. Voilà. D'accord. Ok. Donc et... c'est peut-être un peu plus humain. En tout cas, dans le rapport aux autres. Pas forcément, mais c'est trouver confronté à des problèmes qu'on n'a pas quand on fait que l'assistana. Parce que quand tu es directrice de production, tu es vraiment sur le film. Ouais. Alors que assistante de production, c'est plus la vie de la société. Bien sûr, ouais, c'est ça. Et en fait, comment dire, pour moi, assistante de prod, c'est... c'est le travail que je fais au quotidien en plus de tout le reste. Sur tous les montages financiers du film, il faut bien, quand on demande des aides, qu'elles soient publiques ou privées, il faut bien monter des dossiers et il y a toute cette partie-là à faire. Ça, c'est le boulot d'assistante. Voilà. Et quand je suis directrice de post-prod, ou de prod, pardon, j'ai toute la logistique du tournage à gérer. Du coup, ça va être entre engager les personnes dont on a besoin. C'est vraiment au moment où le film se fait. Pour savoir si on peut tourner à tel endroit, si on peut avoir les autorisations de tournage, si on peut louer tel matériel moins cher. Ce genre de choses, voilà. Beaucoup de négo. Énormément de négo. D'accord. Et donc, ta dernière casquette, tu nous parlais d'être directrice de post-prod. De manière très factuelle, on se dit directrice de prod, directrice de post-prod, il y a à peu de choses près, ça se ressemble beaucoup. C'est quoi la différence entre la prod et la... Alors, justement, expliquons à nos auditeurs, c'est quoi la différence entre la prod et la post-prod, déjà ? Eh bien, tout simplement, quand on est directeur de production, on va s'occuper de tout ce qui est tournage et post-prod, de tout ce qu'il y a après le tournage. Donc, du coup, on n'a pas du tout les mêmes effectifs à gérer, ni les mêmes personnes. Là où sur un tournage, on va croiser tous les techniciens tous les jours, les acteurs, autres, on va devoir gérer les problèmes au quotidien. Parce que peut-être un tel sera malade ou un tel aura cassé du matériel ou ce genre de choses. Et je parle même pas du Covid actuellement qui rajoute d'autres problématiques. Mais là, tout ce qui touchera à la post-prod, en fait, quand on est chargé de post-prod, ce sera vraiment d'organiser, de louer les salles de montage, les auditoriums pour mixage et autres. D'accord. Donc en fait, oui, parce que pour ceux qui ne savent pas... On prévoit vraiment sur du long terme, ouais. Sachant que, selon le projet, bien sûr, si c'est un long, si c'est un court, ça prend plus ou moins de temps, par exemple, pour un clip, il y a trois jours de montage, pour un film d'une heure et demie, on est plutôt sur 8 à 10 semaines minimum de montage. D'accord. Donc, tout ça, c'est des choses qui se prévoient. Et là où en tournage, on aura, entre une équipe de 10 personnes pour un clip ou 30 ou 35 personnes pour un long, en montage, on a un monteur. Peut-être, si on a de la chance, on a un assistant monteur avec qui on va travailler pendant les 8 à 10 semaines minimum. Ensuite, il faut gérer le réal, il faut voir avec son mixeur, son sound designer, ce genre de choses. Et en fait, les temps sont plus longs, mais en même temps, il y a un peu moins de choses à gérer. Et bien sûr, il y a toute la partie technique sur les rendus qu'on doit faire. Puisque le cinéma et de manière générale les films que l'on produit n'ont pas forcément les mêmes moyens de diffusion. Donc c'est des choses à prévoir avec toute la technique. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à gérer, mais sur des temps, en post-prod, sur des temps plus longs, et on va dire plus calmes. D'accord. Donc... En fait, si je résume, pour voir si j'ai un petit peu saisi l'idée de tes différents métiers, tu es un peu manager, un peu gestionnaire, un peu planificatrice, un petit peu, tu administres plein de choses, quoi. Enfin, j'ai l'impression que moi, c'est ce qui ressort de ce que tu, nous dis. Ouais. Pour moi, c'est vraiment de la logistique en permanence. Avec des histoires d'argent, parce que ça compte. Enfin, le cinéma est une industrie et en fait, il faut gérer en permanence Des employés, de l'argent, du matériel. Le matériel, quel qu'il soit, tout a un coût. Et il faut gérer l'humain et le matériel. Et alors... Peut-être, parce qu'on a parlé donc très concrètement à quoi ressemblent tes journées sur tes différents postes, pour donner une idée, par exemple, une journée type pour toi en termes d'horaire, ça ressemble à quoi? Ça commence quand? Ça s'arrête quand? Ça dépend des périodes. En ce moment, moi, mes journées, j'arrive à quoi? 9h30 au boulot, je repars vers 19h. C'est une journée normale. J'ai déjà eu des périodes où le film sur lesquels les films sur lesquels je travaillais avaient une première en festival soit Cannes soit Berlin qui approchait et les films n'étaient pas terminés, ce qui arrive très régulièrement. Donc du coup c'était plutôt je faisais plutôt des journées entre 8h et 23h. Sur ces périodes-là. D'accord. Mais c'est... quand tu dis que tu es au bureau du coup de 9h30 à 19h, on va pas le cacher à nos auditeurs hein, quand même. Enfin, on se connaît tous, donc on connaît Anne. On la connaît notamment dans le quotidien. Il y a quand même souvent des choses qui se passent parfois avant 9h30 et souvent après 19h, non? Notamment ton téléphone. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais depuis assez récemment, j'ai enlevé les emails professionnels de mon téléphone. D'accord. Pour éviter de regarder mes mails avant d'arriver au bureau. C'est plutôt pas mal. Après, bien sûr, il se passe souvent des trucs après 19h, si c'est en semaine et que je viens de sortir du bureau et qu'on m'appelle, je décroche, bien évidemment, Ou si je sais que c'est pas urgent et que ça peut attendre le lendemain, je décroche pas et voilà. Mais ça dépend des périodes, ça dépend de la personne qui va t'appeler, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais comment dire, j'essaye de quadriller quand même le travail qui peut être régulièrement très prenant, soit en plus étalé sur le week-end. Pour tout un tas de raisons, ça peut déborder des horaires classiques parce qu'on a un scénario à lire, qu'il faut corriger les fautes et que j'ai pas eu le temps de le faire au bureau. Donc le soir, je vais lire chez moi ou le week-end, je vais lire chez moi. Et c'est quand même du travail de lire un scénario parce que généralement, on ne lit pas qu'une seule fois un scénario. On le lit tout au long de sa vie de scénario et un scénario, ça peut mettre entre 2 à 5 ans pour s'écrire. Donc... on en lit beaucoup de versions. Et moi, c'est plutôt des choses que je fais chez moi parce que j'ai régulièrement pas le temps de le faire au bureau ou alors parce que les gens me parlent trop au bureau, donc je peux pas me concentrer. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais en gros... oui, ça déborde, ouais. Ça peut déborder le travail, oui. Mais parce que il y a une certaine forme aussi d'affect dans le travail. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. C'est un métier passion. Enfin, je suis cinéphile avant tout et je me suis tournée. C'est pour ça que je me suis tournée vers le cinéma et en fait j'ai découvert la production et je trouve ça passionnant. Mais ça prend du temps pour lire, ouais. Pour corriger, pour travailler, pour réfléchir même à des stratégies de financement. Enfin, des fois on a des idées et on les contrôle pas nos idées. Elles sont pas forcément dans les horaires de bureau. Voilà. Ouais, donc en fait, en termes d'horaire, parce que j'aime bien qu'on soit très concret dans qu'est-ce que le cinéma, donc t'as tes journées de bureau, t'as le travail que tu ramènes chez toi, et en fait, t'as aussi du coup une sorte d'astreinte un petit peu permanente où tu juges en fonction des urgences à quel moment tu es disponible en dehors de tous ces horaires-là ou pas. Ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, par exemple, comme tu l'as bien rappelé tout à l'heure, on est tous très fatigués parce que c'est dimanche. Là, par exemple, ce week-end, je n'ai pas du tout pensé au travail et ça m'a fait un bien fou. Oui. Mais, comment dire, les films sur lesquels je travaille, en vrai, si je travaille dessus, c'est que je les aime aussi, c'est que je les apprécie, c'est que j'ai envie de les voir réalisés. Il y a une énorme part d'affect dans le travail qu'on va fournir pour qu'il se fasse. Et ça peut rester vraiment en tête toute la journée, toute la soirée. Mais d'accord. Enfin, quand je regarde un film chez moi pour le plaisir de regarder un film, ça peut aussi en fait m'aider pour mon travail. Parce que ça va me donner des idées pour construction que je pourrais suggérer, par exemple, à un scénariste avec qui je travaille, ou alors, genre, juste ça pourrait alimenter le débat sur de la mise en scène avec un réalisateur avec qui je travaille. Donc, tout peut être travail avec le cinéma. À partir du moment, même si je lis un livre, ça peut donner des idées pour des réflexions quand on défend des projets. Okay. Tout peut servir, en fait. C'est là où aussi c'est assez complexe et enrichissant. Les garçons, moi, j'ai deux petites questions, je crois, encore pour Anne. Ouais. Je peux juste enchaîner sur ce que Anne disait. Tu nous parlais de ta cinéphilie qui t'a donné envie de faire ça. Mm-hmm. Justement, là, tu nous parlais de voir de temps en temps des films, mais est-ce que tu as le temps quand même de voir des films, du coup ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui bossent dans le cinéma et qui ont perdu ce temps pour regarder des films. Ah, bah écoute, ça dépend des périodes. Là, en ce moment, je suis dans une période où je regarde très peu de films, mais parce que c'est plutôt lié au fait que les salles soient fermées. Donc du coup, ça, j'en ai un peu marre de regarder des films sur mon écran d'ordi de 13 pouces, donc qui est un peu petit. Ouais, donc c'est, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Mais comment dire, moi, depuis que j'ai commencé à travailler, je vais quand même très régulièrement au cinéma, j'y vais entre 2 à 3 ou 4 fois par semaine, parce qu'en fait c'est quand même super important de regarder ce qui se passe et ce qui sort, et quelles sont les tendances, est-ce que produit la concurrence d'une certaine manière, est-ce que distribue les distributeurs potentiels avec qui on pourrait travailler, c'est quand même super important de conserver ça, et j'ai pas forcément l'impression que les gens ont arrêté de regarder des films. C'est juste, comment dire, dans le cinéma, tu peux voir des films de manière tellement différente et non conventionnelle, que ce soit en festival ou rien qu'avec le coffret des DVD des César qu'on peut recevoir si jamais on est adhérent. Et en fait, il y a pas mal de gens aussi qui s'envoient des films via des Vimeo, donc on voit pas forcément les films en salle de cinéma, mais j'ai quand même l'impression qu'on regarde tous beaucoup de films. On doit quand même se nourrir de ce qui se fait en continu. Ça répond à ta question, du coup, Jean ? Ouais, tout à fait. Ok. Lucas ? J'ai une petite question, c'est peut-être pas une question à poser, mais en fait, tu parlais tout à l'heure des petits problèmes qui peuvent survenir pendant les tournages, genre on casse du matériel ou, mm-hmm. je sais pas, il y a des réalisateurs qui pètent un câble. Est-ce que toi, t'as une bête noire comme ça dans ta carrière, quelque chose qui... Moi, il vraiment... m'est arrivé des trucs pas très fun avec une réalisatrice avec qui j'ai travaillé. Je ne la nommerai pas. Mais j'ai déjà eu affaire à elle qui pète un câble dès 7h du mat au téléphone. Donc, bref, c'était un documentaire sur lequel j'avais travaillé, qu'elle avait réalisé. Et documentaire, il faut savoir que c'est assez compliqué de sortir des documentaires en salle parce que c'est pas forcément ce que les gens regardent. Donc un beau film de festival, hein, on a fait plus d'une trentaine de sélections à travers le monde, et notamment le film était montré là où ça avait été tourné. Moi, je m'étais occupée de toutes les sélections en festival parce que justement on n'avait pas trouvé de distributeur ni de vendeur international pour le film. Il y a eu un problème technique, mais avec le décalage horaire, quand eux ils commençaient à diffuser le film, il était 6h ou 7h en France, hein, quelque chose comme ça, donc tout le monde dormait encore. Et moi, j'ai la réal qui m'a appelé en furie à 7h du mat, mais à qui je n'ai pas répondu, parce que je refuse de prendre des gens au téléphone à 7h du mat, surtout quand ils me réveillent. Et que j'ai rappelé une fois que je suis arrivée au bureau à 10h, et j'avais envoyé le fichier qu'ils m'avaient demandé, mais ils n'étaient pas capables de le diffuser parce que le fichier était trop lourd. Bref, ça a été un problème assez vite réglé, mais genre juste en décalant en fait la séance d'une ou deux journées. Voilà, c'est tout. Okay. Mais tu vois, cette réalisatrice, aujourd'hui, je ne travaille plus du tout avec elle. Parce que ça s'est très mal terminé. Parce qu'elle a voulu nous faire un procès, par exemple. Mais on n'a pas fait de procès, mais on a eu des accords transactionnels sur un contrat qu'on avait signé avec elle pour un futur projet. On ne la produira plus. Et c'est arrivé de manière tellement étrange et soudaine, en fait, la manière dont ça s'est passé. Et surtout, nous, on n'a jamais réussi à l'avoir au téléphone. Il y a un moment où elle a juste arrêté de nous parler. Et en fait, au bout d'un moment, on a reçu une lettre de son avocat. Ouais, c'est assez injuste, parce que quand on produit un film, on s'investit pas forcément. Enfin, on n'investit pas que du financier. On investit du temps, comme je disais tout à l'heure, de l'affect, et en fait, recevoir une lettre d'avocat d'une personne avec qui on travaille, c'est jamais très agréable. Et en plus, ça coûte de la thune. Donc, il y a un moment, voilà. Ça fait partie des expériences un peu nulles, mais qui arrivent. Et c'est pas grave, on continue, on avance et on passe à autre chose, quoi. Ouais, donc des fois, la production, c'est un peu Dallas, ton univers impitoyable. Exactement. En fait, il faut savoir une chose, quand on travaille dans la production, enfin, moi, j'ai un peu l'impression des fois qu'on materne les gens avec qui on travaille parce qu'on leur dit quoi écrire, on leur demande des documents à produire plutôt. Pour des dates précises, forcément c'est toujours fait à la dernière minute parce que c'est des gens qui ont besoin de réfléchir, etc. Et y a vraiment des relations des fois qui peuvent s'installer, qui peuvent être malsaines entre l'équipe de production et un réalisateur ou une réalisatrice. Heureusement, ça n'arrive pas si souvent que ça, mais heureusement, c'est pas toujours comme ça. Bon, bah tant mieux. Alors les garçons, je sais pas si moi j'ai une dernière. Alors je pense qu'on va clore avec une dernière question pour Anne. À moins que Jean, Lucas, vous ayez... Bon, j'en aurai une petite à la fin, mais elle est bien pour terminer. Pour terminer, ouais. D'accord, très bien. Ah bah alors, ma question sera donc l'avant-dernière, puisque, merci Lucas, tu m'as épargné une question en demandant à Anne de nous raconter une histoire. donc, ma dernière question qui sera l'avant-dernière. Donc, moi, je voulais savoir, alors, si tu... avait l'occasion de croiser ton toi de 17 ans ou de 18 ans, ton toi de 17 ans ou de 18 ans qui veut faire du cinéma mais qui ne connaît encore que ce qu'il ou elle connaît, c'est-à-dire bah peut-être pas grand-chose, en tout cas pas autant que ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Ou simplement peut-être... Il faut vraiment que je m'améliore en anglais. D'accord. Et que je regarde un maximum de films. D'accord. Parce qu'en fait c'est bête hein, mais des fois j'ai dit que j'étais cinéphile, je le pense sincèrement, mais il y a beaucoup de films que j'ai pas vus, et soit par flemme ou alors manque de temps, et des fois ça fait défaut quand même parce que la cinéphilie dans la production, je pense que c'est quand même assez important. Ça permet d'argumenter en fait sa position de producteur en fait sur un film. Voilà. Donc l'anglais important, et regarder beaucoup de films parce que c'est toujours bien. Ah bon. C'est cool d'entendre ça, parce que c'est vrai que bah, je pense que quand on connaît pas le métier, les métiers de producteur ou d'assistant producteur, de chargé de production, on pense potentiellement plus à l'argent qu'à l'artistique. Et du coup, c'est d'autant plus génial de savoir là en t'écoutant que les producteurs sont aussi en général des passionnés de cinéma qui ont envie de produire un film qu'ils vont aimer et qu'ils ont envie de faire exister, quoi. Ouais, et devoir vivre en festival et en salle, quoi. C'est cool, quoi. C'est quand même super important dans la mesure où, en fait, un film, il faut savoir ça. Entre, on va dire, l'idée et la sortie en salle, ça peut durer 2 ans comme 7-8 ans. Donc du coup, ça dure plus souvent, en tout cas moi sur les films sur lesquels je travaille, ça dure plus longtemps que 2 ans. C'est plutôt, on est sur du 5-7 ans, selon les films. Et faut pas perdre son enthousiasme, en fait. Donc si on aime un film et qu'on a envie de le produire, c'est quand même plus simple de le défendre. Surtout quand on va chercher des financements et qu'il faut le défendre en permanence, parce que la production française en plus et mondiale est quand même très, enfin on est quand même plutôt beaucoup à faire des films au final. Il y a, il me semble, entre 500 et 600 films qui sont produits en France par an, en comptant aussi les coproductions internationales. C'est énorme. Donc du coup, il faut pouvoir défendre son bout de gras, et si on n'aime pas le film sur lequel on travaille, c'est quand même un peu plus compliqué de le défendre face au reste du monde, quoi. Et pardon, Jean, je prends un tout petit peu la parole, juste parce que Anne parle de production et de cinéphilie, et donc je voulais faire un petit coucou à un collègue, à elle, à François, voilà, un producteur cinéphile qui nous a écouté grâce à Anne d'ailleurs, et voilà, je voulais lui faire un petit coucou à l'antenne, parce que voilà, c'était très, ouais, voilà, Jean et moi on lui fait coucou, parce que c'était très cool de sa part de nous avoir fait un petit coucou aussi, lui, par mail et tout ça. Donc voilà, on te dit bonjour, François. Voilà. Jean, du coup. Ouais, du coup, pour terminer, puisque qu'est-ce qui rime bien avec la fin d'une interview, c'est le générique final d'un film. Et il y a peut-être des auditeurs qui, comme moi, restent dans la salle jusqu'au bout du générique. Et tu nous parlais de toutes les casquettes que tu avais. Moi, j'aurais voulu savoir tout simplement quel était en quelque sorte l'intitulé de tes postes quand t'apparais au générique d'un film, en fait. Oh, souvent, je suis créditée en tant qu'assistante de production dans le bloc de la société de production pour laquelle je travaille. Voilà. D'accord. Bon, après, et du coup, c'est placé où en général? C'est placé à la fin du générique, au début Je me souviens plus exactement où est-ce qu'on Alors, généralement, tu commences par, en tout cas, générique de fin, tu commences souvent par les acteurs, enfin, réalisé par, écrit par les acteurs, toute l'équipe technique, et ensuite, il y a les blocs des productions. C'est plutôt vers la fin. C'est soit avant ou après. Avant les musiques, je crois. Oui, c'est avant les musiques, mais c'est avant ou après toutes les sociétés qui nous ont aidés, notamment, tu as souvent toutes les sociétés de post-production avec qui on met toutes les personnes qui ont travaillé sur le film. Et tu as ensuite les blocs de toutes les sociétés de production. Soit on est tout seul, soit on est en copro, donc il y en a plusieurs. Et moi, je fais partie souvent de ces blocs-là. Après, mon intitulé peut changer en fonction de comment j'ai été payé sur le film. Parce que, voilà, ça dépend de mon bulletin de salaire à la fin. Mais souvent, je suis dans les blocs des sociétés de production. Okay. D'accord. Et je ne sais pas si tu es OK pour le dire, mais est-ce que tu peux nous citer peut-être un ou deux projets dans lesquels on peut te voir au générique ? Ouais, bien sûr. Écoutez, je vais vous parler de deux films sur lesquels je suis assez fière d'avoir travaillé. Il y a Land de Babak Jalali, qui est une coproduction italienne, française, néerlandaise et mexicaine. Qui est un film un peu âpre, je dirais, pas dans un mauvais sens. C'est tout le film se déroule dans une réserve indienne aux États-Unis avec une fratrie un peu disloquée par les événements. Et c'est vraiment un film touchant, qui est lent, il faut le savoir, qui est un peu dur, mais qui est vraiment très très beau. Moi, c'est un film que je peux plus voir aujourd'hui, mais parce que c'est un film que j'ai vu en très peu de temps. Vraiment, je regardais tous les deux ou trois jours. On devait faire notre première à Berlin en 2018, et en fait, notre DCP n'était toujours pas prêt, et on avait eu beaucoup de problèmes sur la fin de la post-production de ce film. Et je me suis retrouvée à checker tous les DCP qui sont sortis pour Berlin. Sur les 2-3 semaines avant, et je l'ai vu beaucoup, beaucoup de fois en très très peu de temps, mais vraiment, objectivement, c'est un film que je trouve très beau, qui ne sera pas forcément à la portée de tout le monde, parce qu'il y a vraiment une lenteur assumée. Visuellement, c'est vraiment très très beau. En plus, c'est un film sur lequel on a eu Agnès Godard à l'image, et pas dégueu, voilà. C'est sorti en salle ? Ouais, c'est sorti en avril 2018, ce film. Ok. Avec une sortie pas très bien réussie, on va pas se mentir. On a fait très peu d'entrées, mais parce que il y avait beaucoup de trucs qui sortaient au même moment. Assez difficile à vendre comme film, mais moi je suis quand même assez fière qu'il existe. Voilà. Et sinon, je vais vous parler d'un autre film qui est sorti pareil en 2018. Qui s'appelle Les Bonnes Manières, qui est un film brésilien, c'est ça ? Voilà, franco-brésilien sur lequel j'ai travaillé. Et qui est très très beau, et je n'ai pas du tout envie de spoiler quoi que ce soit de ce film, parce que vraiment, c'est un conte fantastique sur le Brésil d'aujourd'hui, à savoir la différence entre les quartiers riches et les quartiers pauvres, entre les noirs, entre les blancs du Brésil. C'est un film en fait qui est vraiment coupé en deux parties, qui font chacune une heure à peu près, et avec juste une période de transition entre les deux parties d'un petit quart d'heure. Et c'est très surprenant, en fait. La première et la deuxième partie n'ont vraiment pas grand-chose à voir. C'est un vraiment chouette film, et je recommande de voir ce film aussi parce que je trouve que le portugais est vraiment une très belle langue. Et que ça fait... c'est vraiment un beau film à voir. Je l'avais découvert fini, j'étais heureuse de bosser sur ce film. Mais du coup, t'es au générique de ce film ? Oui. Oui, ok. Oui. Moi, je l'ai vu et en effet, c'est assez génial, je le recommande aussi. Mais ouais, du coup, c'est une superbe affiche en plus. L'affiche est très belle, je l'ai devant les yeux là. Juste pour terminer, c'est ça aussi qui est assez génial en France, c'est que on produit beaucoup de coproductions de films étrangers. On aide beaucoup de cinéastes de partout dans le monde à faire des films. Ça, c'est assez génial quand même. J'ai Oui, pas et l'impression que ça soit ça. le cas de beaucoup de pays, quoi. Ben non, parce C'est vraiment que. l'exception culturelle française, même Exactement. si, bien sûr, dans d'autres pays, on peut quand même produire avec Étranger, des oui. pays qui sont pas européens, etc. Ça, c'est vraiment le merci au CNC, quoi, même s'il a Oui. beaucoup de défauts régulièrement. Ça permet de créer en fait des coproductions internationales et de faire vraiment de beaux projets. En alliant toi, les idées, les cinémas dont on n'a pas l'habitude en France avec des savoir-faire pas forcément français, mais qui sont réputés bons en France. Voilà. Oui, parce qu'en fait, oui, le cinéma français, les gens, quand on leur parle de cinéma français, ont une certaine image, mais en fait, le cinéma français, il est très mondial, et je pense que ça vaudrait le coup, peut-être de réinviter Anne quand on fera un épisode de Qu'est-ce que le cinéma, ou peut-être des chroniques auxquelles je pense. Je pense que ce serait intéressant de parler de la place de la France dans le monde et dans le cinéma mondial. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très très intéressant et ça vaudrait le coup qu'on en parle plus. Donc, écoutez les garçons, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on s'en est plutôt pas mal sorti. Ah ouais? Ouais, c'était cool. Voilà. Ouais, c'était cool. Anne, j'espère que tu es contente Oui, très. d'avoir J'espère que j'ai été participé. claire. Oui, je pense que tu as Très été clair. très clair. Je pense que tu as été très clair. Alors, je demande par avance pardon à nos auditeurs si la qualité sonore n'est pas forcément au rendez-vous. Voilà, on expérimente. C'est un premier essai en distancié, comme on dit maintenant. On espère que ça vous fera pas trop mal aux oreilles. D'habitude, on est à la maison, on a Lucas qui a Ah mais tout. là on est tous à la maison aussi. Hein. Là, on est tous Là seuls à la maison. vous On est avez vraiment home quatre villes françaises alone. Il y a quatre qui villes sont françaises en représentées bas. là. Et puis alors, Anne, puisque je n'ai pas du tout de générique de fin, je voulais te demander Nous quelque chose que chanter d'ailleurs une j'aurais chanson. dû te demander avant, oui, de nous chanter une chanson. Non. Non, non, je ne vais pas te demander de nous chanter une chanson, mais je me disais, puisque tu travailles sur des films, puisque tu aimes les films, peut-être tout simplement que tu pourrais nous proposer là maintenant un titre, peut-être même un générique de fin d'un film sur lequel tu aurais travaillé, ou juste une musique dans un film sur lequel tu travaillais, ou alors Oula, juste une musique de film tout court, pour qu'on la super diffuse à nos complexe. auditeurs avant de se quitter. Parce que, oh là, je trouve ça super Je compliqué. pensais qu'il t'aurait demandé à l'avance, moi. Je pensais que t'avais déjà une réponse. Bah ouais, je suis désolée, je viens d'y penser en fait. Non, parce qu'en plus, je suis assez nulle en musique. Là, par C'est vraiment exemple, pas mon fort. le générique de fin des Bonnes Manières, non? Il est joli. Il y a une musique dans le Oh film qui là t'aurait là. marqué. Ouais, Ou une bah, il y a la musique. musique dans la bande-annonce Ouais. Tintin avec l'histoire d'un petit cheval. D'accord. C'est très Bah, écoute. mignonne. On mettra au montage alors en générique de fin pour nos auditeurs la chanson du petit cheval des Bonnes Manières. Voilà. Alors merci, merci Anne, De rien. merci à toi, Ouais, merci. merci, merci les garçons. N'oublions pas que on est dimanche. Hein. Normalement le dimanche on ne fait rien comme des gros manches. Mais bon, c'est pour le plaisir, comme chantait l'autre, pour le plaisir. Et donc, merci aussi, étant donné qu'ensuite on enchaînera sur l'épisode 2 dans 15 jours, après avoir fait nos trois tranches bi-hebdomadaires d'épisode 1. Remercions tous les gens qui nous ont aidés sur cet épisode 1. Donc, merci, merci Jean, merci Lucas. Merci Anne, voilà, pour aujourd'hui aussi. Merci Seb, hein, qui travaille d'arrache-pied pour que ce que on fait dans nos micros ait de la gueule sur vos écrans. Jean, tu penses à d'autres gens, peut-être qu'il faudrait qu'on remercie. Non, peut-être, oui, Non, je sais là, pas. tout de suite, non. Alors, bah, un petit merci. Alors, je ne sais pas si ce sera déjà sorti, mais un petit merci à Rock de chez Outbuster qui, normalement, devrait, quand vous écouterez ça, déjà avoir publié un extrait de notre pilote, de notre épisode 0, bah, justement, dans lequel on parle d'Outbuster. Rock qui nous a écrit bah, grâce à François. Donc, en fait, coucou et merci à François. Et puis bah, voilà, je pense qu'on peut lancer la comptine du petit cheval maintenant. Ah ouais. Allez. Eh ben, on dit bonne soirée à nos auditeurs. Oui. Soirée. Bonne soirée. Ouais, salut. Allez, salut. Dormi no chão, dormi no feno, dormi cavalinho, aproveita que é pequeno. Corre no campo, corre no pasto, corre cavalinho, este mundo é tão vasto. Voa benzinho, mamãe é esperta, voa passarinho, a gaiola está aberta. Se tiver medo, canta bem forte. Voa, passarinho, vai buscar a tua sorte. A noite caiu, o mundo é um breu. Melhor um nenê dormir. Dorme no berço, dorme na rede. Dorme, meu filhinho, que é pra não ficar com sede. Se tiver medo, chama meu nome. Dorme, meu filhinho, que é pra não ficar.